بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس الواحد واربعين أو الأربعين بعد المئة. فكرتم لفهم. يقول المؤلف حفظ الله تعالى في سؤال 35 و 100 و 1000. 1235 question. ماذا يفعل المسلم إذا تثاءب؟ كيف يفعل المسلم لسكيل باي؟ عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليقذم ما استطاع. وفي رواية: فليمسك يده بيده فإن الشيطان يدخل. كي لدي النبي صلى الله عليه وسلم كسلان تروفو باي alors qu'il repousse, il a dit d'abord le fait de le bâillement, ça vient de Shaitan. Et que si l'entre vous se met à bâiller, alors qu'il repousse autant qu'il peut, le fait de bâiller. Et après, si jamais vraiment il a bâillé, dans une version il dit, alors qu'il met sa main devant sa bouche, car Shaitan peut rentrer. Le fait de bâiller, quand on met la main dans la bouche, c'est pas comme certains s'imaginent que c'est pas beau, on voit toute la bouche, on voit tout l'intérieur. C'est pas ça, parce que même les koufars, ils le font, ils mettent la main devant la bouche. L'origine de tout cela, c'est que cela empêche Shaitan de venir. Et même chez les anciens chrétiens, ça existe toujours. Vous pouvez trouver ce genre de choses. Qui disent que le diable, comme ils le disent, rentre par la bouche. Mais aujourd'hui, les gens l'ont oublié. Ils disent que le fait de mettre la main dans la bouche, c'est pour pas qu'on voit tout ce qu'il y a dans ta bouche. Quand tu l'ouvres, ça fait mal élevé. On dit c'est pas ça la cause, en réalité. Quand on regarde les causes pour lesquelles les koufars, mathalen, sont coïncident avec nous dans certains comportements, la cause n'est pas la même. Et leur cause, elle est juste superficielle. Elle n'est pas religieuse, elle n'est pas basée sur le bienfait de la personne. Elle est basée juste quoi ? Sur le regard des gens. Juste sur le regard des gens en général. C'est que de côté ostentatoire. Et ce n'est pas du tout basé par au fait de quoi ? Le fait de pouvoir plaire à Allah, subhanahu wa ta'ala. Va demander à un chrétien demain, quand il baille, pourquoi tu mets la main devant la bouche ? Tu vas voir ce qu'il va te répondre. Demande-lui. Ça veut dire, je ne sais même pas. Mes parents m'ont toujours dit de faire comme ça. Ben toi, en tant que musulman, tu sais pourquoi. Un tel ilm, toi tu vas le savoir. ثم قال في السؤال 36 و 200 بعد 1000. 1236 question. ما هي المبشرات التي بقيت بعد النبوة؟ Quelles sont les bonnes annonces qui ont perduré après la prophétie? C'est-à-dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est plus présent, mais on a encore des choses qui nous font de bonnes nouvelles, qui nous viennent. Et cela c'est quoi? Le rêve pieux. Le rêve, la chose qu'on voit en rêve, quand on dort, d'accord? Mais un rêve qui est pieux. Comme dans le hadith d'Abu Huraira, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبقى من النبوة إلى المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة رواه البخاري il a dit النبي صلى الله عليه وسلم qu'il ne reste plus rien de la prophétie hormis les bonnes annonces et il dit mais quelles sont les bonnes annonces au message d'Allah il dit le rêve pieux et l'interprétation des rêves c'est une chose qui existe c'est une science qui existe dans le Bukhari il y a un chapitre pour cela ce n'est pas doté à donner à tout le monde par exemple Yusuf alayhi salam Le prophète Youssouf, le fils de Yaqub, était connu pour avoir cette faculté d'interpréter les rêves. Et des gens aujourd'hui ont également cette faculté-là de l'avoir. Par exemple, Mohamed ibn Sirin était connu pour cela. Et des gens, même en cette époque. Mais il y a des conditions, d'accord ? Et c'est aussi une science qui n'est pas, ce n'est pas sur laquelle on base un jugement shari'i. C'est juste une annonce. Mais il se peut que l'interprète se trompe. Mais ne pas croire qu'il y a nous. Par exemple, quelqu'un te dit, j'ai vu en rêve que je dois faire... 4 à la 4 après le Isha. On dit non, ça c'est pas un rêve pieux ça. Il n'y a pas de nouveau jugement de religion qui arrive. Mais un rêve peut annoncer par exemple une chose bien qui va t'arriver. Ou ça peut être aussi également une chose, ta mort qui est proche, c'est déjà arrivé. Ou une épreuve qui va t'arriver. Naam, un nouveau jugement légiféré, ça non, il n'y a pas en religion. Par les rêves. La prophétie elle est terminée. Et la religion elle est complète. ثم قال في السؤال 37 و 200 بعد 1000 1237 question اذكر انواع الرؤيا maintenant cite les formes de rêves qui existent car l'homme il rêve le kuffar il rêve tout le monde fait des rêves quelles sont ces formes de rêves ils sont le 3 comme dans le hadith d'Abu Huraira قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا ثلاثه les rêves sont de 3 sortes فرؤيا صالحه بشرى من الله عز وجل donc la première c'est le rêve pieux qui est une annonce d'Allah subhanahu wa ta'ala ورؤيا تحزين من الشيطان et celle qui est une cause de tristesse qui vient de Shaitan ce qu'on appelle un cauchemar des choses qui nous effraient qui nous font peur qui nous rendent tristes d'accord ورؤيا من الشيء يحدث به الانسان نفسه et la chose qui vient de nous-mêmes c'est-à-dire une chose qui nous tient à cœur tellement on y a pensé tellement ça nous touche qu'on la voit en rêve ça c'est un rêve du nefs D'accord ? Ce n'est pas forcément une chose de qui vient d'Allah ou ni qui vient de Shaitan. C'est une chose qui vient de nous-mêmes. Et celle-ci n'a pas de sens. Donc la seule qui est interprétable, c'est celle qui vient d'Allah, Azawajal. C'est celle-là qu'il faut interpréter. Les autres, il faut les éviter, comme cela va venir dans le hadith. Et celle qui vient du nefs, elle n'a pas de sens. قال فإذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدث أحدا وليقم وليصلي. Que si l'un d'entre vous voit une chose qu'il déteste en rêve, c'est-à-dire un cauchemar, qui n'en parle à personne, d'accord, et qui se lève et qui fait sa salat. Apporté par l'imam Ahmed. Et après, il va encore apprendre du comportement à avoir lorsqu'on le voit un cauchemar. قال في السؤال الثامن وثلاثين بعد مئتين وألف. 1238e question. ماذا يفعل المسلم إذا رأى رؤيا يكرهها؟ Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il voit un rêve qu'il n'aime pas. Dans le hadith d'Abi Qatada, il voit un cauchemar, on va dire. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى من يكره فليدفل أن يسالي ثلاثا. C'est-à-dire celui d'entre vous qui voit une chose qu'il ne peut pas, il s'en réveille tellement ça le touche. En premier lieu, qu'il crachote trois fois à sa gauche. ويتعوز بالله من شرها. Qui recherche refuge auprès d'Allah contre le mal de ce rêve qu'il a vu. ومن الشيطان également contre Shaitan. Il cherche refuge auprès d'Allah contre Shaitan. ويخبر أحدا فإنها لن تضره. Et qu'il n'en informe personne car, d'accord, ce rêve-là ne lui rend en rien. Ça ne lui rend en rien, il le garde pour lui. Pas besoin d'aller le répéter. Et comme on l'a dit dans le hadith précédent, il peut se lever et faire la salat s'il veut. ثم قال في السؤال التاسع وثلاثين ومئتين بعد ألف 1239 question. ماذا يقول من سئل عن شيء وهو لا يعلمه. Que doit dire celui qui interroge sur quelque chose qu'il ne connaît pas? Il dit Allahu a'lam. لقول الله تعالى ولا تكفوا ما ليس لك به علم. Il ne recherche pas selon tu n'as pas de science. Et ça c'était qu'une des sahaba lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les interrogeait sur une chose qu'il ne savait pas, il disait Allahu rasuluhu a'lam, que Allah et son messager sont plus savants. Et même si tu connais la réponse, Allah a'lam kazalik. Même si tu connais la réponse, Allah est plus savant de toute façon. D'accord ? Que des fois, des gens pensent que le fait de dire Allah a'lam, c'est-à-dire je ne sais pas dans tous les sens. Non, des fois tu peux savoir, mais tu dis Allah a'lam. Par exemple, quelqu'un te dit une chose, tu réponds, tu donnes une réponse qui est correcte, et à la fin tu dis Allah a'lam. Le juge dit pourquoi tu dis Allah a'lam si tu sais ? Il dit je sais, et Allah est plus savant quand même. Parce que des fois, des expressions qu'on dit en religion, on ne connaît pas le sens, on pense qu'elles sont liées à nos habitudes. Comme on explique une fois avec Masha'Allah, ou comme Alhamdulillah. Tout ça, ce sont des choses qui reviennent à Allah Azzawajal. Quand tu dis Allahu A'lam, tu affirmes que Allah est plus savant. Même si tu as une réponse, Allah est plus savant de toute façon. Fumaqal fi su'al. Su'al 41 wa 200 ba 1000. 1240e question. 1241e question. قال إذا أمره أبوه بمعصية. Qu'est-ce que faire si admettons ton père t'ordonne de faire un péché. Même qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là, il n'obéit pas. Il n'obéit pas aux parents. Comme dans le hadith de Abu Huraira, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Qu'on n'obéit à personne dans la désobéissance à Allah et que l'obéissance n'est que dans le convenable. Muttafaqun alayhi. Comme quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la ta'at al-makhluq fi ma'siyat al-khaliq. Qu'on n'oublie pas la créature dans la désobéissance à Allah. Que ce soit ton père, que ce soit ta mère, que ce soit ton grand frère, que ce soit ton patron, que ce soit le gouverneur, que ce soit même ton shaykh, que ce soit qui que ce soit, qui a une forme d'autorité sur toi, tu n'obéis pas si tu appelles à un mal. Cela n'est pas permis. Thumma qala fi su'al al-thani wa 40 wa 200 ba'd 1000. 1242e question. Hal al-ma'siya Sawarat al-Zilla, est-ce que le péché amène un avilissement? Le fait de faire un péché, c'est-à-dire délibérément là, bien évidemment. On dit Naam, comme a dit Ta'ala, وَالَّذِينَ كَسَبُوا سَيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَاتٍ بِمِثْلِهَا وَتَرَحَكُمُوا ذِلَّةٌ وَتَرَحَكُمُوا ذِلَّةٌ. Que celui qui fait une mauvaise action, que sa rétribution sera également une mauvaise, c'est-à-dire une mauvaise, une hasa, une sayya. Voyez? Et il en sera avili. وما له من الله من عاصم qui n'a pas le protecteur ce n'est Allah. Donc maintenant celui qui fait une mauvaise action et qui persiste dessus, cela ne fait que le rabaisser, qu'il s'en rende compte ou pas. Cela ne lui apporte aucun bien, bien au contraire. Et il en verra les fruits de ce péché sur lui-même par la suite, dans son quotidien, ou dans ses proches, dans son entourage. Et s'il ne le voit pas, il le verra dans l'au-delà si Allah ne lui pardonne pas. قال في السؤال الثالث وأربعين ومئتين وألف 1243e question. ماذا يجب عليكم تجاه والديكم؟ Qu'est-ce qui vous est obligatoire face à vos parents? Donc bien évidemment c'est connu, d'accord? Et le droit des parents il est immense. C'est le plus grand droit qui vient avec la créature après l'obéissance du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, après le tawhid d'Allah azza wa jalla. C'est l'obéissance aux parents. L'obéissance aux parents. كما قال تعالى وقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تكن لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمه وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا qu'il a dit Allah عز وجل dans le sens et ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui et d'être bienfaisant envers les parents. Que si jamais ils atteignent chez toi, ils sont encore à ta présence et qu'ils atteignent un âge avancé, alors, ou tous les deux, l'un des deux, ou tous les deux, alors il leur dit point, ouf, c'est-à-dire quand tu fais pff, et ils traduisent ça par fi dans le Coran, mais fi ça n'a pas de sens chez nous vraiment, le fait de souffler, le minimum de souffler, et ne le rejette pas, et dis-leur une parole, une noble parole, et rabaisse pour eux l'aile de l'humilité et de la miséricorde, et dis, ô Seigneur, fais la miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Al-Isra, le voyage nocturne, versets 23 à 24. Donc ça c'est le minimum à ne pas leur faire, c'est le fait de souffler. Qu'en est-il de mal leur parler, de lever la voix, ou même que certains arrivent au stade de les insulter, ou même de les frapper, ou à l'a'azu billah. Et que Allah nous pardonne nos manquements par rapport à nos parents, nos écarts, notre patience par rapport à eux, car c'est une adoration qui est immense et c'est l'un des droits les plus importants à respecter, le droit de ton père et de ta mère. Même s'ils sont des mécréants, même s'ils sont des koufars, ce droit-là, tu dois leur rendre, bien évidemment, selon les limites de la législation. Ne pas dépasser les limites non plus. ثم قال في السؤال الرابع والأربعين ومئتين وألف 1244e question. هل يعتبر القيام على الوالدين جهادا؟ Est-ce que le fait de s'occuper des parents est considéré comme étant un djihad? On dit oui, comme dans le hadith d'Abdullah ibn Amr, « Rajulun ila nabi sallallahu alayhi wa sallam, fasta'zanahu fil djihad, faqala, ahayun walidak, qala na'am, qala fafihima fajahid. » Muttafaqun alayhi. Qu'un homme s'est rendu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé la permission pour aller faire le djihad, pour aller combattre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Est-ce que tes parents sont vivants ?» Il a dit oui. Alors dit « Le fait que tu t'occupes d'eux, ta prise en charge pour eux, c'est cela ton djihad. Occupe-toi d'eux, ça veut dire. Car cela passe en premier lieu. Quand Allah fait le souhait al-Khamis wa Arba'in wa Miyatin wa Alf, 1245e question, Ayyuhuma aqwa haq al-Um am haq al-Ab? Quel est celui qui a le plus grand droit d'être obéi? Est-ce que c'est la mère? Celui dont le droit est le plus grand? Est-ce la mère ou le père? Et il s'agit de la mère. La mère passe avant le père. Comme dans le hadith d'Abu Huraira. قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من حق الناس بحسن صحابتي قال امك قال ثم من قال ثم امك قال ثم من قال ثم امك قال ثم من قال ابوك متفق عليه كان ما دي المندوب من رسول الله صلى الله عليه وسلم qui est la personne qui a le plus de droit d'avoir mon qui je dois tenir la meilleure compagnie. Il a dit c'est ta mère. Il a dit ensuite qui? Il a dit ensuite ta mère. Il a dit ensuite qui? Il a dit ensuite ta mère. Il a dit ensuite qui? Il a dit ensuite ton père. Trois fois la mère, car la mère, c'est elle qui t'a porté dans son ventre, c'est elle qui a souffert lors de l'accouchement, c'est elle qui est avec toi la plus proche lors de tes tristesses, lorsque tu es petit, c'est elle qui t'allaite, c'est elle qui passe la nuit en veille, quand tu n'es pas bien, plus que le père. D'accord? Plus que le père. La rahma de la mère est connue bien plus grande que celle du père. Et quand bien même ta mère t'aurait abandonné, ne t'aurait pas rendu ton droit petit, ne dis pas elle m'a abandonné donc j'ai pas à lui rendre. Ça reste quand même son droit, il lui reste quand même, d'accord? Car des gens disent, ma mère ne m'a pas éduqué, elle m'a abandonné petit, elle s'est pas occupée de moi, donc aujourd'hui, voilà. On dit non, malgré tout, si tu la rencontres, et que tu la retrouves et que tu la vois, tu lui rends son droit, malgré tout. ثُمَّ قَالَ فِي السُّؤَالِ السَّادِسِ وَأَرْبَعِينَ وَمِئَتَيْنِ بَعْدَ أَلْفٍ 1246e question. مَنْ هِيَ الَّتِي بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ? Qui est celle qui est du même statut que la mère? Et souvent, les gens pensent que c'est la grand-mère. Eh bien non, en fait, c'est la tante maternelle. Al-Khala. Comme dans le hadith al-Bara ibn Azib, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Al-Khala tu manzilat il-Um. Que la tante maternelle est du statut de la mère. C'est-à-dire que si demain, par exemple, on dit qu'il y a une chose qui fasse que ta mère ne puisse s'occuper de toi ou de ton père, en réalité, l'éducation revient à qui ? À ta tante maternelle. Car c'est elle la plus proche de ta mère. De comportement, de génération. D'accord ? La grand-mère aussi, elle a cela. Mais la grand-mère, elle est plus âgée. Alors que la sœur de ta mère, tante maternelle, elle sera plus jeune et plus apte à pouvoir s'occuper de toi comme il se doit. Donc c'est à elle que cela revient. Hadha allazi radna al-yawm, wa alhamdulillahi rabbil alamin.